Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbo Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbo Auto est situé au 1770 boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbo Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. 125.9 on that last lap. I wonder if he's got something like a slow puncture or some kind of gear shift problem because Villeneuve is all over him. Look, he's going through. Oh, yes. Out goes Michael Schumacher. That didn't work, Michael. You hit the wrong part of him, my friend. I don't think that will cause Villeneuve a problem. Michael Schumacher out. Now, this is a replay of the World Championship in 1994 when Schumacher and Hill. Ah, ce que vous venez d'entendre, ça se passait le 26 octobre 1997. Moi, c'est mon moment de sport, tout sport confondu, où j'ai le plus trippé. Je me rappelle très bien que je criais, je hurlais quand Michael Schumacher a tenté un dépassement sur Jacques Villeneuve. Et finalement, ben, on connaît la suite. Schumacher avait été disqualifié et Villeneuve, lui, ben... sa voiture avait été abîmée, mais il avait quand même terminé au troisième rang. On en parle avec notre spécialiste de course automobile, Patrick Carpentier. Salut, Pat. Hey, salut, ça va bien? Oui, ça va bien. 20 ans hier, et ça passe vite le temps. Et quelle course! Ça, c'est un classique à Jerez, en Espagne, en 1996, au Grand Prix, 97, au Grand Prix d'Europe. Ça a fait 20 ans hier. Et c'était des bons moments de la course automobile. Oui, écoute, il y avait encore beaucoup d'argent encore sur l'allée des cigarettiers cette époque-là. Là, ça commençait à s'en aller définitivement, mais sauf que, écoute, c'était la fin d'une époque dans le sport automobile. Hein. Je te dirais même depuis ses débuts pratiquement. Donc, c'était vraiment les grosses années, que ce soit de la F1, de la IndyCar, du NASCAR. Ça a été parmi les grosses années, je te dirais. C'est Jacques qui clôturait ça à F1 avec son championnat du monde. Par la suite, il avait formé, on se rappelle, hein, il avait formé sa propre équipe chez Barre, qui n'avait pas été un succès, mais ça a été des années incroyables, mémorables aussi du côté du sport automobile. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de cette course-là? Rappelle-toi, ça avait été il avait été très calculateur. Hein? Est-ce que Schumacher, ça avait été vraiment une tentative? Il jouait le tout pour le tout pour ce dépassement-là. Hein? Oh oui, c'est certain. Écoute, Schumacher, qui était un compétiteur féroce aussi, qui nous avait donné des bonnes années aussi, puis il y avait une bonne rivalité entre lui puis Jacques, là, tu sais, je te dirais, ça... Excuse-moi, ça ressemblait un peu à celle de Prost et Senna, peut-être pas au même niveau, mais sauf que c'était incroyable. Écoute, c'était bon, surtout pour les gens d'ici du Canada, pour le Grand Prix du Canada, d'avoir quelqu'un comme Jacques à ce niveau-là, ça n'avait aucun bon sens. Tu sais, mais je pense, écoute, sincèrement, je pense que c'est les dernières années. De Williams, fait de performance, là, comme Jacques l'avait apporté, là. Après ça, ça a été un déclin depuis ce temps-là. Ah oh, oui, ils n'ont jamais été les mêmes, hein, par contre. C'était Williams-Renault à l'époque. Par la suite, rappelle-toi, un an après, il avait été. Williams n'était pas du tout performant, là. Non, exactement. Puis écoute, même encore aujourd'hui, c'est très difficile. Là. C'est Lance Stroll qui a pris la place à Jacques, qui a fait des bons des bonnes courses pareilles cette année, là, avec le podium, puis ainsi de suite. Ça a été impressionnant, mais sauf que c'est plus le même Williams qu'on a connu à l'époque quand Jacques est allé. T'as parlé de Jacques qui a fondé Barr avec son ami Greg Pollock à l'époque. Je pense qu'il se parle même plus d'ailleurs. Ça a été vraiment... Est-ce qu'on peut dire que ça a été, dans la carrière de Jacques Villeneuve, une erreur magistrale? Parce que, si tu te rappelles, toi, il y avait McLaren qui voulait l'avoir. McLaren qui était vraiment une écurie de pointe à l'époque. Mais ce qu'on demandait à Jacques, c'était d'être bon avec les commanditaires. Puis Jacques n'aimait vraiment pas ça non plus. Là. Non, il n'aimait pas ça. Il n'était pas... il était pas, il y a des pilotes qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça, mais genre qui aiment moins ça. Ouais. Mais sauf que tu sais, dans une carrière de coureur automobile, tu sais jamais combien de temps ça va durer, ouais. Et puis c'est quoi qui est l'avenir. Est-ce que tu prends moins en salaire ou prends moins monétairement pour aller dans une équipe plus performance, ou si tu sais que t'es vers la fin, tu vas collecter plus en les autres, par exemple, en formant leur propre équipe avec Barr, puis ainsi de suite. T'sais. Fait que c'est des décisions qui sont toujours difficiles à prendre. Au niveau de la carrière, de la performance, ça a été une mauvaise décision, mais je suis certain qu'ils s'attendaient, avec l'argent que Barr mettait dans cette équipe-là, je pense qu'ils s'attendaient à finir par performer, parce que souvent dans le sport automobile, où il y a de l'argent, il y a des performances. T'sais. Mm. Fait que je suis certain que s'ils avaient su que ça aurait été un flop comme ça, il serait jamais allé de toute façon, mais sauf que c'est pas juste l'argent, Patrick, hein, c'est pas juste une question d'argent à course automobile aussi, c'est une question de d'avoir les bons cerveaux, tu sais. Ferrari a été des années à avoir le plus gros budget, puis c'était pas nécessairement un gage de succès, là. T'sais. Oui, exactement. T'as pas des Russ Brown, des cerveaux comme ça dans chaque équipe, tu sais, fait que ça prend tout le temps la bonne combinaison de personnes pour être certain que. Mm. Puis ça, c'est pas juste en F1, tu sais, que ce soit en NASCAR, t'as des équipes qui ont beaucoup de budget qui ont pas nécessairement autant en avant que des équipes qui en ont moins, tu sais, fait que non, c'est vraiment une question de chimie, les gens, l'argent, de tout ça mis ensemble, tu sais. T'as parlé d'argent, puis c'est de valeur, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment les cigarettiers étaient dans le programme et il y avait beaucoup de bons jeunes talents. T'en étais un. Bertrand Godet en était un autre. Alexandre Taglini, vous êtes quand même rendu assez loin, mais par après, t'as vu des Marc-Antoine Camiran, t'as vu des Andrew Ranger, des Michael Grenier récemment, qui auraient eu le potentiel pour aller très loin, mais faute de budget. Ils ont dû se contenter d'une course canadienne, de NASCAR Canada et ainsi de suite. Ça, c'est de valeur un peu ce qui s'est passé par la suite. Ben oui, c'est malheureux. Écoute, on avait une filière incroyable. Je me rappelle, Players, à l'époque, à la fin de ces années-là, ils avaient essayé de laisser les rênes à une autre entreprise au Canada, de trouver une entreprise qui pourrait poursuivre le développement, parce qu'écoute, ça a pris des années et des années pour Players, pour que Players puisse bâtir le système qu'il y avait, tu sais. Fait que c'est là qu'on a monté, mais c'est tout là que les pilotes ont sorti. Jacques est sorti de ça, Jacques Villeneuve, Greg Moore, tu sais, Paul Tracy a passé là-dedans aussi par la suite. J'ai passé là, Alex a passé là, Claude Bourbonnais était là-dedans. Ouais, Godin, ben oui, tous les gars ont passé là, puis on en montait beaucoup, tu sais, mais après ça, écoute, ça a été la fin. Ça a complètement coupé. On a moins entendu parler du sport automobile. Puis tout. Fait que ça a vraiment. Je te dirais que ça n'a jamais été remplacé. Non. Le sport automobile n'a jamais été. Tu te rappelles, il y avait la série Formule 2000 exportée à l'époque. La Players GM. T'avais la Formule Atlantique, le championnat canadien nord-américain. T'avais tellement de séries au Canada. Effectivement, donc ça en mettra. Hey, une anecdote que je suis en train d'oublier, Pat, que je voulais te conter. Je reviens au Grand Prix d'Jerez, je suis en train d'oublier ça. Rappelle-toi le samedi, Heinz Ahrensfrenzen, Jacques Villeneuve et Michael Schumacher, le même temps, aux qualifications, le même temps, tu sais, quand ça se bat par des centièmes de seconde, le même temps, je n'avais jamais vu ça. Et c'était magique cette fin de semaine-là. Toi, Patrick, t'en as vu là, des qualifs en NASCAR, peu importe, là, le même temps, trois pilotes. C'était jamais vu, ça. Si, écoute, non, c'est très, très, très rare. Moi, j'ai pas vu ça. J'ai vu deux pilotes avoir le même temps. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu, lui, mais trois avec le même temps, surtout en F1. C'était vraiment impressionnant. T'sais, c'était... Ça a été des belles années. C'était des voitures qui étaient rapides. C'était des voitures qui étaient puissantes. Cette année, la F1 est revenue avec des voitures plus puissantes, plus rapides. Ça fait du bien de voir ça, là, parce qu'une F1 devrait toujours être le summum du sport automobile. Mais écoute, c'était des voitures qui étaient plus raw, qui étaient plus difficiles à piloter. Puis, sauf que Écoute, ça a été une bonne année. Jacques a été le bon timing au bon moment. L'écurie était forte. Pour là, qu'il l'avait envoyé dans la bonne équipe, tu sais, il y avait eu beaucoup de préparation aussi. Écoute, il avait fait au-dessus de 5000 kilos de, ouais, d'essais, là, dans la saison hivernale. Fait que, tu sais, on s'était vraiment assuré, qu'il allait être prêt pour la saison, puis les saisons qui s'en venaient, là, tu sais, chez Williams, puis nous autres, ça nous avait donné tout un spectacle, moi, dire, c'était vraiment cool. De la manière qu'on avait départagé ça, Patrick, Jacques Villeneuve avait réussi le premier temps de la qualif en 1:21.72. Michael Schumacher se fait un deuxième, 1:21.72, et Heinz Aaron Fenzen, le même temps, 1:21.72. La manière qu'on avait départagé ça, je m'en rappelle très bien, c'est que on avait, étant donné que Villeneuve avait réussi le premier temps, les trois, c'était lui qui partait premier, Schumacher deuxième et Frenzen troisième. Ça avait été tout spécial. Oui, j'avais été surpris qu'on ne l'avait pas départagé par les victoires, tu sais, ou les... Il est allé en ordre chronologique. Ouais. Hey Pat, je veux te... Puisque je t'ai pas appelé pendant que ça s'est passé, mais là, je suis en ligne. Tu t'es-tu fait niaiser par la Formule 1? Je te dirais non, pas par la Formule 1, parce qu'il y a un hyper sympathique là-bas, les essais. Moi, je pense qu'il y a eu un... Enfin, j'ai parlé au maire par la suite, puis à la Formule électrique aussi, mais un gros manque de communication, parce que eux avaient pas compris la même chose que ce qu'on s'était dit ici. Moi, j'avais été déçu parce que, un, je voulais pas vraiment y aller, puis deux, on avait travaillé fort pour me convaincre d'y aller après que j'aille refuser une fois, là, t'sais. Fait que c'est un peu là-dessus que j'avais pas compris, mais gars. J'ai eu un voyage tout payé, un bon verre de vin en Espagne, puis on est revenu, mais j'étais déçu. Avoir su, je ne serais pas allé. Mais Pat, tu me... fais partie de la vie. Ouais, je t'ai entendu sur d'autres médias dire, regarde, j'y tenais pas tant que ça, mais on insistait tellement que c'est ça qui m'a fait rendu, puis il était tellement convaincant. Qui a été convaincant là-dedans? Ben c'est... oui. C'est qui a été convaincant? Parce qu'il faut que quelqu'un soit convaincant pour te... Hein? Ah oui, c'est sûr, certains, eux autres s'étaient mis ensemble, puis même... la mer pis tout, pis prendre chance, vas-y, parce que ne peut pas le regretter plus tard. Fait que c'était pour ça que j'étais allé, tu sais, mais sauf que à part de ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais tu sais, c'est sûr que moi j'aime ça, hein, une Formule électrique, c'est vraiment plaisant à conduire, tu sais, j'adore ça. Fait que la seule raison que je le faisais, c'était peut-être parce que il y aurait une suite à ça pour la saison, tu sais, mais il n'était pas question de ça du tout quand j'étais arrivé là-bas. Je cherchais que tu n'es pas amer. Si on te demandait d'être encore porte-parole l'an prochain, ce n'est pas quelque chose qui va te rendre assez amer pour ça? Là. Ah non, pas du tout. Parce que, comme je te dis, j'aime la série, j'aime la direction que ça prend. Je pense que c'est là que ça s'en va de toute façon. Puis même, écoute, j'étais à Vancouver la semaine dernière, Area 27, le circuit que Jacques est impliqué dedans. Là, tu sais, je faisais du coaching. Puis il y a un petit gars qui a beaucoup de talent, là, Stéphane Razinski, qui s'appelle. Puis je disais qu'il fallait qu'il aille en Formule électrique. T'sais, c'est là que d'avenir aller, c'est là que l'argent va être, puis c'est là que ça se passe. T'sais, non, j'aime vraiment, puis je suis certain que je vais le couvrir encore à ATS de toute façon. Puis les gens de la Formule électrique, ils ont été vraiment cool. Là, t'sais, j'ai eu du fun là-bas, ils m'ont fait tourner dans l'auto, ils ont fait un super beau vidéo sur Internet, puis tout ça. Fait que c'était bien mais le fun, puis mais sauf que la seule affaire que j'étais surpris, c'est que eux autres avaient même pas l'air au courant de la raison pour laquelle j'étais là. Ils pensaient que c'était pour me remercier pour avoir fait la promotion de Montréal. Fait que ça donne une idée du manque de communication. Oui, effectivement. Pat, un gros merci. On se reparle dans 15 jours, 3 semaines. Dale Earnhardt va être à son dernier Grand Prix. C'est une légende, Dale Earnhardt. Donc j'aimerais ça te reparler à ce moment-là. Ben oui, la fin approche de ce côté-là. On va tourner une page en NASCAR. On se reparle. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau du NASCAR, des assistances, parce qu'on sait que la moitié du public qui est là sont là pour des learners. Ça va être intéressant. OK. Ben Pat, on se reparle dans 15 jours, 3 semaines. Notre collaborateur de course automobile, Patrick Carpentier.